Chacune de mes phases est une parole d'honneur. Chaque lacune de ma vie a fait de moi un paroleur. Cette tuerie de la part de regretter. La promesse est une dette, donc tiens cette baston. J'ai commencé mon blast, c'est MCC Kamikaze. Tu te rappelles, négro, non ? À peine négro. J'ai t'as fait ma rime pendant tellement long time qu'elle est longue, sale comme les cheveux d'un Rastafari. Quand t'as fait rail, c'est du rap, c'est franc, pas qu'un riz. Bling bling, jusqu'au dos, leurs propos ont chopé des carrés. Je reviens mettre les points sur les i, frère. Faut y faire plus de poids sur la barre de fer. Le profit de la Westbeck, puis mon départ de Westbeck. J'ai pris des décisions sur un coup de tête. J'assume envers ma fierté, moi je suis pas un deux traits. Des fois ça me coûte cher, et moi c'est un pour l'honneur. Je peux me passer toutes sortes de protections, y compris du reste. Moi c'est un pour l'honneur, faut pas les couilles du reste. Je suis venu poser des bebons, paroles d'honneur. Normal, je suis militant, parent d'honneur. Je rappe ces vers depuis rap game. Je te le rappelle, je te le répète. Je rappe ces vers depuis rap game. Les gros, les poissons sont les îles, t'auras la poisse si tu résistes. Comme les relats sont du rap. Là c'est le retour des punchlines. Des réats sont du rap. Ils se disent authentiques mais font crier comme une face B. Joue les mecs overbookés mais sont H24 sur Facebook. Plus de confiance à donner à la race humaine. Elle est pleine de rues, les gens sont mielleux comme des arbres dans une rue. Je te le dégage comme dirait Crash. Y'a trop de mythos dans le rap. Aucune entente que le bruit de mon trou de passe. Quand ils parlent de braquage et de calage. À trop jouer l'escarlate, tu vas bouffer le carrelage. Entre leur vie et leur rap, beaucoup trop décalage. Dans mon dos, trop de clash. La seule chose qu'ils savent de moi, c'est que l'étendard, c'est mon t-shirt, c'est du boy boy. Et si tu boycottes, je connais les risques du métier. Plus rien n'est fiable, ni l'amour, peut-être la mort. Et surtout pas l'amitié, et surtout pas l'amitié. J'rappe ces vers depuis rap game. J'te le rappelle, j'te le répète. J'rappe ces vers depuis rap game. Les gros, les poissons sont les îles, t'auras la poisse. J'ai pas fait zéro faute, j'étais grave zéro fit, un flow altérophile. Mais pour moi y'a pas de petit ou de gros fit. J'ai milité pour mériter ma place. Et tout ce qui m'est arrivé de moche, toute classe. Ouais, dans leurs propos, marque un temps de silence pour tous ceux partis trop tôt. Car le monde fait peine à vivre, les rumeurs courent tellement vite qu'elles ont une taille olympique. Beaucoup parlent de rue, mais leur vie s'éteint olympique. La voix, zéro se cache pour tout. Nous c'est Radio Campus et Trident Sky. Pour d'autres c'est Skyrock. On kiffe sur les prods de Napi. Mais là c'est d'autres Oscaro. Paraît-il que le rap est dead. Là je déterre la rage de vaincre. MCC j'suis toujours déterminé. Et avant de terminer, je vous le dis, mon street ça dangereux. Comment termine. J'rappe ses vers depuis rap game. J'te le rappelle, j'te le répète.